biographie qui est moins élaborée que celle de Thierry Pécou, excusez-moi, et puis je me suis aperçu en la relisant que j'ai oublié des quantités de gens, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle. Et d'autre part, je n'ai pas eu, bon, je l'ai faite assez vite hier, je n'ai pas eu le temps de mettre des articles. Alors, je vous remercie de m'avoir proposé de tenter cet état de la recherche moderniste à Marseille. Alors, mon propos risque de dater peut-être un peu, étant donné que depuis que je suis émérite, c'est-à-dire à la retraite, je ne suis plus tellement au courant des thèses qui ont été inscrites, d'une part, et d'autre part, je travaille essentiellement, en ce qui concerne Marseille, sur la reconstitution des monuments de la ville à la veille de la Révolution et des œuvres d'art qu'elle contenait, la plupart de ces monuments ayant disparu depuis. J'écris par ailleurs un livre sur les débuts du Père Lachaise, qui est mon laboratoire de la modernité funéraire en France. Et donc, vous voyez, je ne fais plus que des choses assez précises. Alors, je vais me borner à dégager quelques spécificités de Marseille sous l'Ancien Régime, et puis je survolerai à grands traits d'une façon plus cursive, c'est-à-dire plus rapide, et moins problématisée peut-être que l'a fait Thierry, la bibliographie disponible. Alors, comme lui, je ne vais pas m'en tenir au dernier développement de la recherche, parce que pour moi, l'histoire, c'est comme la botanique, la paléontologie et bien d'autres sciences, un savoir qui est largement cumulatif. Même si les problématiques et les concepts évoluent. Et le discours sur les seuls travaux récents, eh bien, à mes yeux, il relève de la mise en scène du sérieux, de la spécialité par imitation des sciences dures, lesquelles d'ailleurs ne sont pas dupes. Alors donc, il m'arrivera de remonter même assez haut, parce que des ouvrages anciens sont toujours utiles et il y a des travaux qui n'ont pas été remplacés, même si le renouvellement est assez fort, effectivement. Par ailleurs, pour faire vite, je vais m'en tenir aux ouvrages publiés, à quelques thèses restées inédites, provisoirement pour certaines, j'espère. Et je signale d'emblée, donc, il y a évidemment des articles, et même certaines livraisons de revues qui apportent tout autant, sinon davantage, que certains des ouvrages que j'ai indiqués. Et puis une autre remarque, je le dis une fois pour toutes, je ne parlerai pas ou peu des travaux, ils ne sont pas en tout cas dans cette bibliographie, des travaux qui étudient un phénomène à travers toute la Provence, voire même la France, ou bien à travers plusieurs sites européens et qui prennent en compte le site Marseille. Alors dire que cette bibliographie est très inégale, c'est une banalité et elle n'est, j'y insiste, pas propre à Marseille. C'est une remarque valable pour toutes les villes de France, y compris pour Paris. Il y a cependant une certaine médiocrité globale, il faut bien l'avouer, de l'érudition marseillaise des temps modernes, et je pense aussi de l'époque contemporaine, par rapport à d'autres villes comparables. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à Lyon, Bordeaux, voire Paris, et même simplement Avignon, où 130 ans d'érudition, cumulés, souvent solidement fondés sur l'archive, se sont constitués, ce qui est un phénomène moindre pour Marseille. De très nombreux aspects du passé marseillais sont en friche, c'est-à-dire que le dépouillement des sources, l'élaboration d'un savoir de première main n'a pas encore été fait à leur sujet. Et Marseille n'a donc pas, pour l'époque moderne, la bibliographie universitaire correspondant à l'importance démographique et historique de la ville et aussi à l'importance des archives subsistantes, mais je dirais que justement l'énormité de ces archives, encore plus forte pour le XVIe que pour le XVe sans doute, sans parler du XVIIIe, est justement un des problèmes de l'étude de Marseille. Alors, effectivement, il y a une grande exception tout de même, c'est l'histoire maritime. Et cela, donc, ce relatif retrait des connaissances sur Marseille par rapport donc à d'autres villes s'explique de plusieurs façons. La Provence se situe d'abord dans ces hommes de France, de la France du Midi, que Jean-Pierre Chaline a naguère caractérisé comme ayant des sociétés savantes beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins dynamiques que dans le reste de l'Hexagone. Mais ça ne vaut quand même pas pour Avignon. Et puis Marseille est vraiment une ville sinistrée en matière de société historique, il faut bien le dire. Et par ailleurs, une seule institution a longtemps encouragé la recherche historique à Marseille, c'est la Chambre de commerce. Mais plus récemment, au cours des dernières décennies, la ville s'est dotée d'un atelier du patrimoine, et puis ensuite d'un service d'archéologie, et comme on l'a déjà souligné pour l'époque médiévale, et c'est vrai pour l'époque moderne, les progrès en lien avec les fouilles de l'INRAP ont été dès lors particulièrement spectaculaires, et j'y reviendrai. En revanche, il n'y a pas de commission municipale analogue à la commission du Vieux Paris, qui serait susceptible de conduire des entreprises de longue durée et de les publier. Et il ne me semble pas que la municipalité marseillaise brille particulièrement en matière de subventions pour les publications, ou alors cela m'a jusqu'ici échappé. D'où des lacunes à peine croyables, ne serait-ce que pour des instruments de travail de base. Alors, sauf erreur de ma part, l'absence d'une carte précise et absolument certaine des quartiers et des paroisses qui divisaient la ville sous l'Ancien Régime. J'ajouterai enfin que ce séminaire est une première. Il a été jusqu'ici impossible de consacrer aux études régionales un séminaire à TLM. Il paraît que cela aurait mécontenté le CNRS. Parce que la grande doctrine du CNRS, nous expliquait-on tout au long de la carrière, c'est que... il faut que des étrangers étudient la Provence et qu'inversement, eh bien, les Provençaux aillent étudier ailleurs. En quelque sorte, donc, nous devons aller étudier les Ubuesques qui sont, vous le savez, la plus célèbre des dynasties polonaises. Et les Polonais, en revanche, doivent venir étudier les Angevins, notre dynastie cantale. Alors, je caricature à peine, mais enfin, je me félicite de cette évolution. D'où et je crois qu'il faut y insister, le poids de la tradition historique, qui est encore trop peu vérifiée, trop peu remise en cause en nombre de points, et qui est essentiellement issue de quelques livres. Donc, chaque fois que l'on commence à aborder un sujet à Marseille, il faut commencer par faire la généalogie des affirmations, c'est-à-dire remonter aux sources historiographiques. Croyez bien que l'on est édifié. C'est une aventure que j'avais menée d'une façon inouïe à mes yeux quand j'ai fait ma première thèse sur la crèche et les santons, où j'ai vu, par exemple, un journaliste du Second Empire inventer de toutes pièces, en avouant qu'il l'inventait, la création de la foire aux santons en 1803, et vous voyez à l'heure actuelle le numéro de foire aux santons qui correspond à cette vérité d'évidence, puisqu'entre-temps j'avais pu suivre la transformation en axiome de ce qui n'était que le produit de son imagination, et il l'avouait. Alors donc, effectivement, importance de l'ouvrage de Ruffy, des Ruffy. Avec sa première édition de 1642, sa seconde édition de 1696, très important, et je vous conseille de consulter les deux. Je signale aussi qu'il existe des exemplaires au musée Arbaud et à la bibliothèque municipale qui sont annotés, en particulier un de la bibliothèque municipale possède les notes du fils Ruffy qui voulait compléter pour une nouvelle édition. Il n'y a pas eu, au cours du XVIIIe siècle, d'édition ensuite de l'histoire de Marseille. Si vous vous intéressez aux échecs successifs, j'en ai fait la matière de ma contribution au mélange Henri Michel qui ont paru cette année aux presses de l'Université de Montpellier. Et en particulier, je vous signale, à la bibliothèque Méjeanne, l'énorme manuscrit de Bouche, l'autre Bouche, bien sûr, Charles, le constituant, qui n'a jamais été publié, le maire de Marseille ayant refusé sous la Restauration une subvention parce qu'il n'y avait pas de chapitre d'histoire religieuse. Et qui donc, du point de vue historiographique, représente un monument en ce qui concerne l'histoire de Marseille. En ce qui concerne ces sources, je suis moins sûr qu'elles soient toujours de première main. Mais enfin, il y a un certain nombre de mémoires concernant le XVIIIe. Ensuite, alors, l'histoire de Ruffy, qui mériterait presque d'ailleurs une édition critique, est extrêmement intéressante, elle est bien documentée pour les périodes modernes qui nous intéressent ici, étant donné que le grand-père Ruffy, Robert Ruffy, avait été l'archivaire de la ville. Et d'ailleurs, les manuscrits des Ruffy ont été achetés par Paul Arbaud au XIXe siècle, vous les avez au musée Arbaud, il y a des manuscrits tout à fait intéressants, donc de la fin du XVIe siècle. Ensuite, vous avez l'Antiquité de l'Église de Marseille, signée par Monseigneur de Belzunce, lequel n'a sans doute fait que la préface, et encore, qui est l'œuvre vraisemblable du jésuite Claude Maire, il vous en doute mieux, et qui aussi semble assez souvent puiser à bonne source. Alors il est évident que ces ouvrages sont à soumettre à une critique historique stricte, qui sont d'abord une source historiographique, qui sont le point de départ d'énormément d'affirmations concernant Marseille, qu'on a bien été obligé de répéter quasiment jusqu'à nos jours. Évidemment, Wolfgang Kaiser a montré ce qu'il a appelé la mémoire recomposée de Ruffy au sujet du temps des troubles, étant donné que le grand-père avait été ligueur. Mais il s'agit aussi d'une source documentaire leurs auteurs ont parfois utilisé des sources qui ne nous sont pas parvenues. Et pour le XIXe siècle, Thierry l'a dit, l'auteur important, c'est Augustin Fabre, à cette nuance près qu'il a surtout et presque exclusivement utilisé des archives communales et hospitalières, car il était membre du conseil municipal et administrateur des hospices. En revanche, il n'allait pratiquement jamais aux archives départementales, parce que c'était le fief de son ennemi juré Mortreuil, de même qu'il n'a jamais pu rentrer à l'académie locale, parce que Mortreuil était rentré. Alors, lui aussi, il a travaillé, donc, dans ses sources d'archives, en dépit des limites que j'ai indiquées. Je signale aussi qu'il avait une assez belle collection particulière, qu'il indique assez souvent d'ailleurs dans ses sources, et que Paul Arbeau a acheté une bonne partie de sa collection, un autre morceau étant ensuite entré aux archives communales. Et puis, on ne saurait négliger des érudits qui parfois ont peu ou très discrètement publié, mais dont les dépouillements étaient importants. Par exemple, pour le XVIe siècle, le fonds Pierre Bertaz des archives communales, qui est absolument indispensable. Bertaz a peu publié, il s'est fâché progressivement avec tout le monde, il faut bien le dire. Et de même, pour les rues et les monuments, le fonds Bruno Roberti des archives départementales. Alors je m'arrête un instant sur ma suggestion d'utiliser les travaux et les fiches des bons érudits, ce que ne cessent de faire les historiens, parce que cela peut épouvanter un chercheur encore novice, qui ne croit qu'en l'archive. Ah, pourtant, vous savez, ces auteurs, d'abord, ont pu avoir communication de documents qui ne sont plus aujourd'hui localisés, n'étant jamais entrés en collection publique. Le fameux récit de Thierry de l'Étoile, de la bibliothèque d'Alfred de Clapier, qui raconterait le siège de Marseille et qui serait le seul témoignage, l'unique témoignage à parler des dames, et que l'on ne connaît que par Pierre Bertaz et par les copies très partielles qu'il en a faites. Ensuite, certains ont réalisé d'immenses dépouillements. Alors c'est un fait, la récente thèse d'Émilie Rofidal-Motte, qui est fondée sur les préfets, c'est-à-dire les contrats à forfait du mobilier religieux marseillais et aixois, aurait été impossible sans les recherches de Joseph Billou et le fonds Joseph Billou des archives communales. Joseph Billou a dépouillé les minutiers marseillais pendant toute sa carrière d'archiviste. Il a repéré bon nombre d'actes qu'il s'est contenté parfois de signaler et qu'Émilie Rofidal-Motte analyse. Par ailleurs, les plus anciens érudits ont vécu dans un monde encore relativement proche de la fin de l'Ancien Régime. Ils avaient une forte sensibilité sur ce point. Fabre, par exemple, a interrogé des acteurs de la Révolution. Il y a un petit aspect minoritaire, mais intéressant, d'archives orales chez Fabre. Et ils peuvent aider à éviter des anachronismes, qui sont à mes yeux le risque majeur du moderniste. Et puis enfin, certains avaient des compétences spécialisées que l'historien n'a pas forcément. Par exemple, un bon érudit, bon historien, le docteur Alezé, et ses travaux sur l'histoire de la médecine à Marseille. Et puis, dernier avantage, que je dis en off, comme l'on dit en patois, c'est qu'ils ne font pas partie de la culture des universitaires membres des jurys de thèse, ce qui permet de les piller impunément. Alors, cette confidence étant faite, eh bien, à partir de la fin du XIXe siècle, commencent les premières thèses universitaires qui ne se réduisent pas à une compilation et qui sont fondées sur les archives. Pour Marseille des temps modernes, l'une des premières, ça a été celle de Paul Masson, l'histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siècle. Autre thèse importante, qui est toujours consultée avec profit, celle d'Adolphe Crémieux, Marseille et la royauté pendant la minorité de Louis XIV, qui atteint 894 pages, même 1000 pages, avec la copieuse introduction. Je signale au passage que l'auteur a fini sa carrière comme proviseur du lycée de Toulon, sans doute grâce à cette thèse. Et puis, pendant l'entre-deux-guerres, Gaston Rambert a publié ces deux thèses, d'une part Nicolas Arnoult, l'intendant des galères à Marseille, d'autre part Marseille, la formation d'une grande cité moderne. Alors attention, contrairement à ce qu'on croit souvent, ce sont des thèses de géographie. Ce sont des thèses de géographie urbaine, comme l'indique d'ailleurs le sous-titre de la seconde, la formation d'une grande cité moderne, études de géographie urbaine, et qui évidemment représentent là aussi des étapes de l'histoire, de l'historiographie de la ville, d'autant que dans le cas de la seconde, par exemple, elle est sous-tendue par une très forte connaissance du Marseille de l'époque. Et puis, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les travaux universitaires ou conformes aux exigences de l'histoire universitaire, disons, se multiplient. en particulier avec l'exigence qui apparaît du mémoire de recherche rédigé sur des sources originales pour présenter l'agrégation. Ce qu'on appelle d'abord le diplôme d'études universitaires, et puis la maîtrise, et aujourd'hui le master. Des thèses sont soutenues, dont la plus remarquable, mais enfin, j'ai tort de dire la plus remarquable, elles sont toutes remarquables, sans doute, et sans doute celle que Charles Carrière soutint à 64 ans, négociant marseillais au XVIIIe siècle, paru en 1973. Et il y a aussi, il faut le signaler, de très intéressantes thèses d'histoire du droit, en général restées inédites. Cependant, globalement, la série des thèses est moins ample pour Marseille que, par exemple, pour Lyon, depuis les grandes thèses de Richard Gascon et Maurice Garden, jusqu'aux thèses récentes et tout aussi remarquables de Yann Lignereux ou bien d'Anne Montenac. Alors, premier point, premier trait marseillais, et premier problème aussi, c'est une ville importante par sa démographie. Marseille, pendant les temps modernes, est l'une des principales villes du royaume par sa population. Et non seulement il s'agit de la seule cité provençale qui figure dans l'étroit peloton des grandes villes françaises à partir de l'Union, mais elle améliore sa position entre le XVIe et le XVIIIe siècle, alors que s'élargit l'écart qui la sépare des autres villes du Sud-Est. C'est un premier trait intéressant, une première difficulté, parce qu'il pose d'emblée un problème d'échelle pour les deux masses principales, les deux immenses corpus conservés, les registres paroissiaux d'une part, et d'autre part, le minutier notarial. Alors globalement, la population marseillaise dans la ville agglomérée, à l'exclusion du terroir, n'aurait cessé de croître, passant peut-être d'entre 14 et 15 000 habitants vers 1520 à 30 000 en 1554 et encore en 1599, et puis en 1610 peut-être 45 000 50 000 habitants, ce qui la situe dans le groupe des grandes villes françaises du XVIe siècle, bien sûr loin derrière Paris, mais au sixième rang, derrière Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux et Toulouse. Et puis ensuite, Charles Carrière a bien résumé les données du problème pour la fin du XVIIe et le siècle suivant. La seconde édition de l'Histoire de Marseille de Ruffy avance en 1696, sans doute d'après un dénombrement pour la capitation, le nombre total de 75 000 habitants pour la ville et son terroir. Mais il faut ajouter cette ville dans la ville qu'est l'arsenal des galères, jusqu'à 18 000, 20 000 personnes. À la fin du 7e, ce qui fait que la charge humaine totale dépasserait ou approcherait les 90 000 habitants. Le recensement organisé en 1765 par l'intendant donne 86 446 habitants, dont 67 460 dans la ville. Ce qui fait au total 12 à 13 % de la population provençale de l'époque. Autrement dit, à partir des années 1700, avec 75 000 habitants, Marseille serait en troisième position, loin toujours derrière Paris, et après Lyon, qui aurait aux alentours de 97 000 habitants. Au début de la Révolution, une génération plus tard, deux sources de l'époque avancent le nombre global de 120 000 habitants, terroir compris. Un dénombrement de janvier 1790, mais on ne sait pas dans quelles conditions il a été fait, a donné 106 585 habitants, et puis une évaluation de population en 1796, 118 000. Donc Charles Carrière a admis ce chiffre de 120 000. Il est flatteur, ce qui fait que tous les historiens, dont moi, lui ont emboîté le pas avec enthousiasme, alors qu'il le disait simplement admissible. Il s'agit quand même d'un maximum démographique. Mais en tout cas, en 1789, Marseille est de toute façon toujours à la troisième place française. Elle le restera jusqu'au début du XXe siècle, où elle supplantera Lyon à cause d'un atout marseillais, le très vaste terroir, ce qui n'est pas le cas à Lyon, où la ville se poursuit dans les communes voisines. Alors le problème, c'est que la démographie marseillaise est mal connue dans son détail. Elle a principalement fait l'objet de la thèse d'État introuvable de Michel Théris. La population de Marseille et de son terroir de 1694 à 1830, qui est essentiellement connue par le compte-rendu qu'en a publié un membre du jury, Jean-Pierre Bardet, dans les Annales de démographie historique de 1973. Il y aurait un microfilm aux archives départementales, et maintenant que Théris est mort, il faudrait peut-être agir auprès de son fils pour savoir s'il en avait conservé un exemplaire. En tout cas, donc, il y a eu un travail de démographie, mais une guerre accessible. Comme dans les autres villes françaises, La population se maintient et augmente grâce à un solde migratoire fortement positif qui compense une forte mortalité. Alors, selon les sondages de Michel Vauvel, vers 1690, 7 conjoints marseillais sur 10 seraient natifs de la ville. En 1749, 5 seulement, proportion qui se stabiliserait jusqu'à la fin du siècle. Le raisonnement d'Ancien Régime, c'est ceux qui sont de la ville et profitent de ses privilèges, et puis les étrangers. C'est-à-dire que l'étranger commence au terroir marseillais, en particulier avec cette fichue petite commune d'Allo, qui est en rivalité avec Marseille, ne serait-ce qu'à cause de la contrebande qu'elle fait. Alors donc, il y aurait déjà une population qui assez fortement viendrait d'ailleurs que de Marseille, et viennent s'établir à Marseille, selon les travaux de Vauvel, d'abord les voisins de Basse-Provence, c'est-à-dire ceux originaires des Bouches-du-Rhône, qui représenteraient à peu près 30% des mariages en 1740. Et puis les Gavots, les Alpins, de 30 à 40% des provenances. La Provence littorale, entre Marseille et le Var, peut-être 10 à 15%. Ensuite, le reste de la France paraît apporter entre 10 et 20% des conjoints non natifs. Et enfin, 2% des conjoints ne sont pas français en 1690, mais 8,5% en 1749. Et il s'agit essentiellement d'Italiens proches, la moitié sont Ligures, Piémontais et Niçois, puis ensuite viennent des Suisses et des Catalans. Alors, j'insiste un peu sur cela, parce que face à ces coupes et à leurs résultats, la bibliographie privilégie essentiellement la minorité étrangère. Autrement dit, il y a une rapide synthèse dans le premier volume de l'ouvrage d'Émile Thémis, Migrance, qui en fait ne traite que de l'immigration étrangère au royaume. Et puis ensuite, plus récemment, les recherches de Daniel Fagé sur les Catalans, exemple même d'ailleurs d'une plongée dans les archives paroissiales qui remet aussitôt en cause toute l'historiographie répétée depuis un siècle, et aussi les recherches d'Olivier Raveux sur les Arméniens. Donc, beaucoup reste à faire sur l'émigration, ou plutôt l'essentiel reste à faire. C'est-à-dire, à mon avis, se défaire des stéréotypes actuels et prendre en compte l'ère linguistique couplée au statut social et à l'alphabétisation au lieu de la simple origine géopolitique. Parce que les Niçois étaient des étrangers au royaume, à cette nuance près, qui parlaient la même langue que les Marseillais, c'est-à-dire l'occitan. Tandis qu'en revanche, les Dunkerquois étaient effectivement des Français comme les Marseillais, on peut penser quand même que leur dialecte était légèrement différent et qu'ils avaient un peu plus de difficultés de compréhension. S'attaquer à la majorité des migrants, donc, ceux qui sont originaires du royaume et tout simplement même de Provence, puisqu'il n'y a pas de vraie étude, mis à part deux ou trois articles de Vauvel sur les Gavots. Et puis alors, il y a un autre problème, c'est l'émigration. C'est-à-dire ceux qui partent, ceux qui repartent d'abord. Une des conclusions de la thèse de Théry serait que se produisait à Marseille ce qu'il a appelé le syndrome Fanfan la tulipe, c'est-à-dire on vient à Marseille quelques années et puis on repart ailleurs ou dans son pays natal. Et d'autre part, les Marseillais qui migrent pour la longue durée, on en trouve par exemple dans le Levant, mais on en trouve ailleurs, y compris aux Amériques, quand on suit par exemple un certain nombre d'artistes, ou bien définitivement, et qui parfois fondent des familles très loin de Marseille. Au total, donc, il y a là un immense chantier, évidemment, qui, à Marseille comme ailleurs, n'est pas facile à étudier pour l'époque moderne, puisqu'il n'y a pas les instruments de l'époque contemporaine, c'est-à-dire les instruments de contrôle des populations, mais qui, tout de même, mériteraient d'être repris. Alors ensuite, autre originalité marseillaise, c'est la place exacte de la ville du point de vue administratif dans la France d'Ancien Régime. Alors à plusieurs reprises, quand ses intérêts conjoncturels l'a rongé, Marseille a déclaré qu'elle était, je cite, « un État à part et isolé qui aurait dépendu directement du souverain ». Par ailleurs, lorsqu'en 1669, Louis XIV a conféré à Marseille le statut de port franc, les lignes douanières ont été reportées aux limites du terroir marseillais. Ce qui explique que quand vous quittez la commune de Septème et que vous pénétrez dans le terroir marseillais, vous l'apprenez parce que vous avez le quartier de Notre-Dame-Limite. Et il y avait là, d'ailleurs, la petite chapelle de Notre-Dame de la Douane avec les lieux de perception des droits. Alors évidemment, Louis XIV a fait cela pour permettre à la ville d'exercer une fonction de transit, donc le statut de port franc, comme à Livourne par exemple, ou à Dunkerque. Seulement ça, c'est sans doute l'autre origine de la légende qui voudrait que Marseille ne serait devenue française qu'à la Révolution, et qu'en dernier lieu, Roger Duchesne a eu malheureusement la naïveté de reprendre. Alors en fait, depuis que la ville a signé avec le Charles Ier d'Anjou le traité connu sous le nom de Chapitre de paix, qui va être considéré par la suite, à juste titre ou non, comme le fondement de ses libertés et franchises, Marseille bénéficie d'un statut particulier. Elle est terre adjacente au comté, c'est-à-dire qu'elle est juxtaposée au comté de Provence, qui est lui-même uni à la couronne de France. En théorie, Marseille est directement rattachée à la personne du souverain, et effectivement, elle le feint de ne le reconnaître que en tant que seigneur de Marseille. Elle a même, je cite Mireille Zarb, pu imaginer parfois être un co-État du royaume de France. Alors, il s'agit à bien des égards d'une fiction juridique que d'ailleurs les Marseillais savent oublier lorsqu'elle leur serait défavorable. Parce que quand même, cette ville qui est incapable de se nourrir dépend étroitement du roi de France, de la négociation des capitulations, de l'installation de l'arsenal pour sa survie. En fait, le pouvoir royal va de toute façon s'appliquer au XVIIe siècle à réduire cette autonomie. Et par ailleurs, il faut savoir que Marseille n'est pas la seule à être terre adjacente. Arles, Salon aussi, Grignan, Saint-Tropez, Entrevaux étaient terres adjacentes. Ces terres adjacentes, il faut bien le répéter, ne sont nullement étrangères à la Provence, de même d'ailleurs que les terres adjacentes bourguignonnes, ce n'était pas une spécialité provençale, n'étaient pas étrangères à la Bourgogne. Simplement, les terres adjacentes étaient situées en Provence, mais n'étaient pas situées dans le comté ou pays de Provence. Ce qui veut dire donc qu'elle ne participait pas, Marseille ne pouvait pas participer avec voix délibérative à l'instance représentative du comté de Provence, les États de Provence, ou Assemblée générale ensuite des communautés, que Marseille déléguait simplement comme Arles un représentant qui était un auditeur. Par ailleurs, Marseille ainsi ne relevait pas de la procure du pays, c'est-à-dire de l'organe exécutif des États de Provence, mais, je cite l'abbé de Coriolis, à la fin de l'Ancien Régime, c'était n'en sont pas moins sous l'autorité du Parlement et sous les ordres du gouverneur et de l'intendant de la province. Et puisqu' intéressait le plus les Marseillais, elles étaient imposées séparément de la province. Ce qui fait qu'à certains égards, il valait mieux être Marseillais, effectivement, à l'époque, plutôt qu'habiter dans le comté. Tout cela mériterait quand même d'être précisé, en particulier les rapports avec le Parlement me paraissent extrêmement intéressants, très complexes, mais il faudrait le faire à la fois d'après la théorie et d'après la réalité concrète des archives du Parlement de Provence, hélas, très mal classées sous l'Ancien Régime et qui, malheureusement, ne sont pas d'une utilisation très facile. Mais en tout cas, donc, les rapports entre les autorités urbaines et le pouvoir royal ont surtout été étudiés à travers les deux crises majeures, c'est-à-dire celle des guerres de religion et de la République de Cazaux, au temps de la Ligue, avec la thèse Wolfgang Kaiser, et celle des années 1640-1650, avec la thèse de Crémieux, et puis ensuite la grande thèse de René Pilorger sur les mouvements populaires en Provence au XVIIe siècle. Il faut ajouter, je viens de la citer, la thèse des chartes de Mireille Zarb sur les privilèges de Marseille, qui est très précieuse et qui lance d'ailleurs toutes sortes de pistes. Et puis, plus récemment, les articles de Monique Hubbels et de François-Xavier Emmanuelli au colloque Marseille face au pouvoir, qui avait été organisé par le Conseil général en 2000, qui ont le mérite d'amorcer l'étude fine des résistances aux augmentations fiscales, et aussi l'étude fine des interventions du pouvoir royal à travers ses représentants dans l'administration municipale. C'est d'autant plus intéressant à étudier que des archives potentielles se révèlent. C'est ainsi qu'incidemment, on découvre que l'on avait pensé à imposer les boutiques, à faire un impôt sur les boutiques, et qu'apparemment, on avait fait un inventaire des boutiques, qu'effectivement, je crois avoir entrevu aux archives. Il y a là donc une grande richesse évidemment dans l'étude, mais beaucoup de problèmes restent mal élucidés. les rapports entre le roi de France, la ville, dans les premières décennies de l'Union, qui sont un moment où les choses se mettent en place, évoluent. Et puis aussi entre 1660 et la Révolution, donc avec le nouveau statut imposé par Louis XIV, il y a là toute une page, une longue page de l'histoire municipale de Marseille et de ses rapports avec la royauté qui mériterait aussi d'être précisée, puis bien entendu le personnel politique marseillais. Alors ce statut de terre adjacente était fiscalement intéressant, mais il avait une contrepartie. Marseille, en matière administrative, cédait la prééminence à Aix, qui était la capitale provinciale. Alors, ça n'est pas tout à fait unique, mais ce bicéphalisme exo-marseillais était assez exceptionnel dans la France d'Ancien Régime. Jean Meyer naguère l'avait rapproché du doublé Nantes-Rennes, mais attention, Nantes-Rennes étaient éloignés, et le sont toujours d'ailleurs, même si la voiture les rapproche un peu, tandis qu'Aix et Marseille étaient proches. Marseille n'est pas une ville de parlement. Cela dit, Nantes, Lyon, Strasbourg ne le sont pas. En revanche, parmi les grands ports, Bordeaux et Rouen le sont. Et puis, Aix possède surtout l'ensemble des cours souveraines, c'est-à-dire le Parlement et la Cour des comptes, tandis que Nantes et Rennes se partageaient les institutions. Aix est également le chef-lieu de la Généralité de Provence. L'intendant y réside. Là encore, la différence avec la Bretagne est évidente. Les bureaux et les tribunaux d'intendance étaient à Nantes. Marseille est la seule des 10 principales villes de France du XVIIIe à ne pas être un siège officiel d'intendance. Même si l'intendant, en réalité, est obligé de séjourner longuement dans la ville, à un tel point d'ailleurs qu'il louait un hôtel particulier dans le centre de Marseille. Marseille n'est pas non plus une métropole ecclésiastique, et son diocèse dépend d'Arles. Et puis enfin, Aix est le siège de la seule université provençale du temps. Bref, il y a aussi peu d'autres grandes villes de France dont les fonctions administratives aient été aussi faibles jusqu'à l'époque contemporaine, avec toutes les conséquences que cela a en ce qui concerne la présence d'officiers du roi, d'officiers de justice, de justiciables, les auberges pour recevoir les justiciables, les avocats, etc. Les fonctions judiciaires de Marseille sont modestes pour une ville de cette importance, siège d'une petite sénéchaussée à partir de 1536 avec un faible ressort. Et puis de même pour la lieutenance de l'amirauté. Alors évidemment, c'est un titre flatteur. Seulement, la lieutenance de l'amirauté qui administre la police maritime, qui règle les litiges de mer aussi en matière de commerce, eh bien, elle se trouve entre celle de Martigues et celle de Toulon, et même à partir de 1649, entre celle de Martigues et celle de la Ciotat. Donc sa portion de territoire maritime est assez réduite. L'aspect le plus original, ce sont les tribunaux d'arbitrage. Un héritage comtal. Ce sont des instances d'exception qui sont étroitement spécialisées dans l'arbitrage des problèmes techniques qui sont propres à une profession. Et les juges sont élus parmi leurs membres. Ce sont des tribunaux, il faut le signaler, qui ne furent pas supprimés par l'Assemblée constituante, à la différence de l'ensemble judiciaire français, et qui existe toujours. Le tribunal des marchands, que l'on appelle aujourd'hui le tribunal de commerce, a été définitivement organisé en 1474, juridiction compétente pour les faits de marchandises et dont les juges consuls étaient membres de la Chambre de commerce. Et puis, autre héritage de l'époque comtale, la prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille, qui était un tribunal qui se disait souverain parce qu'il était sans appel possible, en particulier au Parlement. Compétent en matière de litiges entre pêcheurs, son originalité était l'emploi uniquement oral, hélas, du provençal, puisque ses archives désormais classées sont accessibles, malheureusement, les pêcheurs les ont fait tenir par des écrivains qui ont tout écrit en français, sauf les termes techniques et les noms de lieux. Alors celui-là, en revanche, il a été étudié, Daniel Faget, dans sa thèse sur Marseille et la mer, qui vient de paraître, a étudié effectivement ce tribunal. Alors, une des conséquences de cette faiblesse administrative et nette, c'est que la caractéristique de Marseille serait que les familles nobles seraient relativement peu nombreuses après le XVIIe siècle, et essentiellement issues du négoce. L'essentiel de la noblesse de robe est alors concentré à Aix, de même qu'une partie de la noblesse terrienne, et cette dernière semble discrète à Marseille, qui a, il est vrai, un terroir assez vaste mais pauvre. Au XVIIe siècle va s'ajouter une noblesse peu fortunée d'officiers de galère, et donc le modèle nobiliaire marseillais serait particulier, aux antipodes par exemple de celui d'Arles, fait d'une riche noblesse terrienne. Cela dit, la noblesse marseillaise n'a pas vraiment été étudiée. Et puis ensuite, la grande originalité de la ville, c'est que les élites y font commerce de marchandises, et même qui dirigent la cité entre 1660 et 1766, pendant un siècle. Mais même après, avec le nouveau règlement, les maires, tout au moins, restent assez largement issus du négoce. Donc Marseille a été pendant des siècles, pour des familles marchandes, un lieu d'accumulation d'un capital, mais d'un capital dont l'utilisation ostentatoire s'est faite ailleurs. Soit que leurs membres retournent en leur pays d'origine, c'est en particulier ce dont se plaignent sous Henri IV dans un texte célèbre, les Marseillais qui disent que les marchands étrangers, ils font fortune à Marseille, puis ils repartent chez eux. Ou alors, leurs enfants s'installent tôt ou tard à Aix, et pour ceux qui ont le mieux réussi, à Versailles, pour parachever leur ascension sociale. Cela dit, la société marseillaise d'époque moderne a surtout été étudiée pour quelques aspects, essentiellement au XVIIIe siècle, les négociants avant tout, avec Charles Carrière, les galériens et le personnel des galères avec André Sisberg, les prostituées avec la thèse inédite d'Annick Riani, mais il faudra qu'il la publie, les pêcheurs avec celle de Daniel Fagé, les gens de mer avec un grand livre en cours de Gilbert Buti, et il faut signaler l'ouvrage de Michel Vauvel, Les sans-culottes marseillais, qui comporte une étude très précieuse de la répartition sociale à la fin de l'Ancien Régime, à partir des premiers recensements et des registres des sections. Mais bien d'autres catégories sociales devraient être étudiées, en particulier pour cette ville où l'artisanat est à ce point lié au négoce, mais tout simplement les groupes des métiers jurés. Et puis aussi, évidemment, Marseille est tout au long de la période le principal port méditerranéen de la côte française, de rayonnement international, en particulier au XVIIIe siècle, lorsque Marseille se lance aussi à l'assaut des océans. Et cela induit une importante activité artisanale et industrielle, mais c'est aussi un port militaire, en particulier entre 1665 et 1748, avec l'arsenal des galères. Alors le point fort par excellence, pendant longtemps, et cela reste, de la bibliographie marseillaise des temps modernes, c'est l'histoire maritime, plus largement l'histoire économique. C'est l'aspect qui a le plus intéressé les chercheurs depuis le plus longtemps, et par ailleurs, les archives de la Chambre de commerce constituent un centre de documentation dont aucun autre secteur de la recherche historique n'offre pour l'heure l'équivalent à Marseille pour l'époque moderne. La publication de l'histoire du commerce de Marseille, même inachevée, est significative. La recherche d'histoire maritime et plus largement économique a été constante depuis Paul Masson jusqu'à nos jours, avec Gaston Rambert, Charles Carrière, André Sisberg, Gilbert Buti, Olivier Raveux, Daniel Fagé, d'autres auteurs aussi, Ruggiero Romano, par exemple, a passé à Marseille le temps d'un livre sur le commerce du blé au XVIIIe siècle, et de nombreux mémoires de maîtrise. Très révélateur, pour une fois, de l'accumulation des savoirs, les révisions ont été importantes à travers les générations de chercheurs. Ainsi, à propos du XVIIe siècle, qui a été très nuancé, extrêmement nuancé même dans ses aspects dits tragiques, par les travaux en particulier de Gilbert Buti. Autre trait exceptionnel, il s'agit d'une recherche décloisonnée et fréquemment comparative, à la différence de l'enfermement marseillais, terrible parfois, qui caractérise bon nombre d'autres secteurs de la recherche locale. Les sources sont très importantes et, à mon avis, le renouvellement des connaissances viendra sans doute de la mise en œuvre systématique des sources étrangères. Alors, il n'en est pas de même pour d'autres secteurs. Je vais peut-être un peu plus vite, là. L'histoire religieuse est, par exemple, desservie par des sources très inégales, et en particulier la disparition des registres de visites pastorales qui ont permis, en général, les grandes thèses de ma génération et encore de la génération qui vient. La seule biographie importante de Monseigneur de Belzunce a été écrite par un bénédictin sous la Troisième République dans les années 1880. Notez qu'elle est toujours intéressante. Il a mis en œuvre une documentation dont une partie n'est plus accessible à l'heure actuelle. Les études sont très variables selon les sujets. Pour les confréries, par exemple, ce sont surtout celles de pénitents. Pour les établissements réguliers aussi, il y a eu des mémoires de maîtrise. Mais dans les deux cas, les sources disponibles et donc les travaux existants ne correspondent pas forcément à l'existence relative des établissements. Dans le cas des pénitents, par exemple, que j'ai étudié, il est vraisemblable que la plus importante des compagnies a été la Trinité Vieille. Mais ces archives ont presque entièrement disparu au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'en reste que quelques transcriptions Et encore, elles sont en ma possession, puisque un des derniers frères me les avait données. En revanche, celles des pénitents Gribouras ou des pénitents carmelins ont été très largement conservées. Résultat, dans l'ouvrage que j'ai fait, en dépit de mes efforts, les pénitents de la Trinité Vieille sont sous-estimés et, en revanche, l'importance des Bourras et des Carmelins est peut-être un peu surestimée. Et il en est de même pour l'histoire des couvents. Ceux dont les archives sont quasi nulles sont très difficilement étudiables, encore que l'on peut passer par l'intermédiaire des archives de l'ordre, parfois, pas toujours. Et inversement, il y a ceux dont les archives sont trop importantes et qui ont découragé tout le monde. Exemple, cité par Thierry Pécou, le monastère, l'abbaye féminine de Saint-Sauveur, n'a plus fait l'objet d'une monographie depuis 1863, où Ferdinand André, archiviste des Bouches-du-Rhône, a fait un livre qui est écrit d'ailleurs d'après l'archive, qui date peut-être un peu. Je n'ai jamais pu donner comme sujet de master ce monastère, sitôt que les étudiants voyaient l'ampleur du fond, y fuyaient. Bref, des sujets n'ont plus été étudiés depuis le Second Empire ou la Troisième République. Les Accoules, par exemple. Histoire de la paroisse et de l'église des Accoules, Second Empire. Saint-Martin, année 1880. Depuis, très peu de choses, pour l'instant, ont été faites, mais ça pourrait changer. Alors, les archives hospitalières aussi sont importantes. Elles ont inspiré des thèses de droit, comme par exemple celle de Monique Etchepard sur la charité, et puis des thèses de lettres, celle de Judith Aziza, par exemple, sur l'Hôtel-Dieu, aussi les travaux de François-Paul Blanc sur les pensionnaires de la charité. Cela dit, le livre de synthèse qui donne quelques détails sur les hôpitaux marseillais a été écrit par Augustin Fabre en 1854. Et autre aspect où il reste beaucoup à faire, la vie et les sociétés intellectuelles, avec une très peu de choses sur l'ensemble des élites culturelles à un moment donné, qu'elles soient religieuses ou laïques. Pour le XVIIe principalement, mis à part une foule d'articles de détail, une tentative de synthèse quantitative de Michel Vauvel dans un article de la revue Marseille, qu'en plus de ça, j'avoue ne pas avoir retrouvé. Alors, et puis quand même, oui, un autre moyen détourné d'entrevoir une certaine forme d'élite, la thèse de Kennedy sur le club des Jacobins de Marseille, thèse américaine qui, ma foi, donne quand même une idée d'une partie de l'intelligentsia marseillaise. Mais, par exemple, il reste à compter les signatures des actes de mariage des registres paroissiaux pour mieux évaluer la progression de l'alphabétisation. En ce qui concerne les établissements d'enseignement, il n'y a qu'un mémoire de maîtrise sur le collège des oratoriens et il n'y a pas, pour l'instant, d'études sur les oratoriens à Marseille, où ils ont joué un rôle considérable, cela dit, François-Xavier Carlotti, qui étudie les oratoriens du Sud-Est, le fera sans doute dans un deuxième temps. En ce qui concerne les publications ou les manuscrits, la production provençale, qui est très minoritaire, a été bien étudiée pour le XVIIIe siècle. Mais en revanche, la production et l'édition en français restent très mal connues, alors que des listes d'auteurs et d'œuvres ont été dressées dès la fin de l'Ancien Régime, mais qui ne sont pas exploitées. Pour la sociabilité savante, l'histoire de l'Académie de Marseille a été faite par Lothar, le docteur Lothar, en 1826, c'est-à-dire pour son centenaire. Mais pour le bicentenaire, on s'est contenté de faire un résumé de Lothar et de la prosopographie, ce qui fait que ça reste assez largement à faire. Alors, j'ai en cours une biographie de Claude-François Achard, le créateur de la bibliothèque et du musée de Marseille pendant la Révolution, mais j'avoue que je n'ai pas encore fini, parce que lui, alors, il a écrit. Et non moins importante, l'histoire de la franc-maçonnerie marseillaise a fortement progressé ces derniers temps, grâce à Pierre-Yves Beaurepaire de l'Université de Nice, qui a étudié la loge de loin la plus illustre, celle qui a rayonné le plus fort, la mère loge de Saint-Jean d'Écosse, à l'Orient de Marseille. Et auparavant, un juriste, Patrick Barrault, avait donné une bonne monographie de la triple union du rite écossais rectifié. Cela dit, il n'y avait pas que des loges écossaises à Marseille. Et bien d'autres loges resteraient à étudier. Alors, en revanche, un des secteurs, et je dis la même chose que Thierry Pécou, qui ont en revanche beaucoup progressé, c'est celui de la configuration urbaine et de l'habitat. Il y a eu une première phase après la thèse de Gaston Rombert qui a été constituée par des thèses de droit, en particulier celle d'Édouard Biou sur la voirie marseillaise, et puis par la thèse restée malheureusement confidentielle de Béatrice Hénin sur l'agrandissement et ses façons d'habiter. Et puis l'impulsion décisive est venue à la fois de l'Atelier du patrimoine, qui a été fondé par Daniel Drocourt, et qui a publié des travaux tels que, par exemple, ceux d'Urbain ou du Rousseau qui sont signalés dans la bibliographie, et du développement de l'archéologie urbaine de sauvetage en centre-ville. Alors, à la différence peut-être du Moyen-Âge, la particularité de l'époque moderne est de permettre de pouvoir croiser la fouille et l'archive par la recherche des prix faits dans les registres notariés, non sans difficulté et au prix de dépouillements importants. Et outre la grande publication coordonnée par Marc Bouiron qui a paru cette année, eh bien cette méthode a permis la thèse de Colette Castrucci, qui va, je l'espère, bientôt paraître. Et puis, autre progrès dû à la combinaison du texte, de la fouille et des collections, l'étude de la faïence et des terres cuites, avec ce que Daniel Maternati a dirigé comme très beau catalogue à l'époque où elle dirigeait le musée de la faïence et où ce dernier était ouvert au public, et d'autre part, les travaux d'Henri Amoury. Plus largement, l'étude de la vie matérielle, de certains aspects de la vie matérielle, a progressé essentiellement grâce à l'archéologie, puisque des projets de thèse sur les inventaires après décès sont en général restés très vite à l'état d'abandon. En ce qui concerne l'étude des monuments et des œuvres d'art, eh bien, elle a progressé de façon variable. En une génération, le progrès a été considérable pour les peintres marseillais. Grâce à des expositions, en particulier la grande exposition d'Henri Vitanov sur la Provence au XVIIe siècle, et de très nombreux travaux, la thèse par exemple de Madame Homais, mais beaucoup d'autres travaux aussi qui sont restés de littérature grise. Et à contrario, très peu a été fait sur la musique instrumentale, à l'exception des orgues, alors là, remarquablement étudiés par Jean-Robert Cahin, par Jean-Michel Sanchez, et enfin par aussi la thèse de musicologie de Madame Colombi. Mais les monuments souvent posent problème, en particulier pour moi qui essaie de les étudier, un gros problème, c'est que les destructions sont considérables, que les rares édifices conservés se trouvent être par malchance ceux qui sont souvent mal documentés. Que pour ceux qui ont entièrement disparu, l'iconographie est peu répandue. En revanche, la thèse de Guenièvre Fournier-Antonini a précisé le corpus des représentations de Marseille aux datations longtemps incertaines et flottantes. On ne devrait plus désormais réputer du XVIe ou du XVIIe des gravures publiées en Allemagne dans la seconde moitié parfois du XVIIIe, mais en tout cas la première moitié, qui reprennent de énièmes mains des gravures plus anciennes. Et puis aussi, il conviendrait de sortir de l'enceinte et de ses faubourgs pour prendre en compte le vaste terroir qui est globalement marqué par une historiographie souvent modeste et vieillie avec des problèmes intéressants, problème du statut par exemple de Saint-Marcel, seigneurie achetée par la communauté marseillaise. Son principal aspect à avoir été étudié ces derniers temps, d'ailleurs d'une façon assez efficace, avec Georges Reynaud en particulier, ce sont les bastides. Donc les campagnes, comme l'on dira au XIXe, en revanche, les noyaux villageois, eux, l'ont été beaucoup moins. Et puis aussi, ce qu'il faudrait, comme Thierry Pécou l'a montré, c'est étudier l'impact des Marseillais sur le reste de la Provence. Alors apparemment, il est faible en matière de propriété foncière. En fait, ce sont surtout les Aixois qui possèdent. Mais il est important du point de vue maritime. Et en particulier, Gilbert Buquier a montré l'importance du complexe marseillais et la tendance au XVIIIe siècle à satelliser les ports secondaires qui environnent Marseille. Bref, vous le voyez, beaucoup de travail reste à faire et puis beaucoup d'idées reçues, de traditions historiographiques sont sans doute à réviser par la recherche en archives et aussi par la comparaison, qui est souvent le point faible des études marseillaises. Moi, j'ai été quand même traumatisé par un article du Monde quand Michel Sanson a été nommé correspondant du Monde à Marseille. Il va interroger un érudit marseillais qui lui explique que la charité, ah, c'est unique au monde. Je regrette, mais la charité est unique au monde parce que c'est la seule charité qui ait été conçue par Pierre Puget du point de vue monumental. Cela dit, La charité, c'est un phénomène que Foucault appelait le grand renfermement des pauvres, qui est européen. La charité, cela existe à Paris, ça s'appelle la piété salpêtrière, et la chapelle n'est pas si mal que ça. Et d'ailleurs, selon le même principe qu'à Marseille, ça existe à Gênes, c'est l'albergo dei poveri, où il y a une des meilleures œuvres statuaires de Puget. Ça existe à Digne, c'est la mairie de Digne, la charité. La charité, ça existait dans chaque sénéchaussée. Alors donc, attention à ce terrible enfermement marseillais qui consiste à croire que Marseille est unique et que c'est même pas la peine d'aller voir ailleurs. Beaucoup de phénomènes ne sont pas particuliers à Marseille et la comparaison est essentielle parce qu'elle permet de situer chaque trait de Marseille à sa vraie place. Le risque étant sinon soit l'exagération d'un phénomène, cette exagération chauvine, ou au contraire sa minoration ou son dénigrement parce qu'il est marseillais. Et justement, nous avons de la chance. La période quantitativiste des historiens français nous a légué un ensemble important de cartes, de statistiques, qui sont dans des ouvrages de synthèse et qui permettent une telle appréciation. Et souvent, on voit que Marseille est bien placée, que Marseille a connu des phénomènes originaux, étonnants, d'une très grande importance, un très grand agrandissement, un cours assez exceptionnel, par exemple, etc. Une étude fine de la vie politique et une dimension comparative sont par exemple les seuls moyens de déterminer si vraiment Marseille a été une ville rebelle, comme les Marseillais se plaisent souvent à l'affirmer. Il faudrait peut-être le vérifier par rapport à d'autres villes. A priori quand même, mis à part l'affaire de Cazaux, Marseille a peut-être connu moins de troubles que Bordeaux ou Lyon, somme toute. Mais encore, simple détail, la comparaison doit être pertinente. Par exemple, il est tout à fait licite de comparer les activités portuaires de Gênes, Barcelone ou Naples avec Marseille, en particulier les études de Biagio Salvemini avec un point de vue ainsi à cheval des deux côtés des Alpes sont particulièrement intéressantes. Mais en revanche, Marseille ne peut pas être comparée du point de vue social, intellectuel et artistique aux grandes villes-ports italiennes ou ibériques parce qu'elle n'a pas été une ville d'État, à l'instar des républiques maritimes comme Gênes ou Venise. Sauf évidemment à l'époque de Cazaux, parce qu'elle n'a rien de semblable à un patriciat, au contraire, des dynasties qui s'évaporent ailleurs, qu'elle n'a jamais été une capitale princière ou royale, qu'elle n'a jamais abrité une cour, comme Aix, par exemple, au XIIe, XIIIe, comme Dijon au XVe siècle, comme Lunéville ou Nancy au XVIIIe siècle, pour en rester dans le cas français. Donc, de ce point de vue, il ne faut, me semble-t-il, comparer que ce qui est comparable. Mais en revanche, les travaux d'économétrie, par exemple, de Guillaume Dodin, sa thèse « Commerce et prospérité, la France au XVIIIe » de 2005, qui a repris à nouveau frais les calculs de carrière et qui les a resitués dans l'ensemble français, montrent que Marseille est le plus dynamique des grands ports français du XVIIIe siècle en matière de croissance portuaire. Et le fait n'est pas négligeable. La recherche historique ne sert pas seulement à faire carrière sous couvert de faire avancer la discipline. Elle doit satisfaire aussi un besoin social, localement enraciné en particulier. Et dans cette ville profondément déprimée, l'histoire peut nourrir la réflexion des Marseillais, ne serait-ce qu'en leur prouvant, par exemple, que le déclin est momentané, qu'il y en a déjà eu dans l'histoire de Marseille, et qu'en tout cas, il n'a rien d'inéluctable. Voilà, alors je m'arrête, j'ai l'impression que j'ai un peu dépassé, excusez-moi.